The Empire of House Music. Naturellement, ça n'a pas perdu de son charme à l'instant. Lotus, émission spéciale souvenir pour ce dimanche 11 mai, spéciale veille de fête. Voici tout de suite Emmanuel Top avec Rubicon sur Galaxy. Thank you. Les Daft Punk à l'instant sur les ondes de Galaxy. On poursuit tout de suite avec un titre de 1994. C'était Idéal avec le titre Hot. Hey. 30 minutes sur les ondes de Galaxy. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ces quelques informations de proximité présentées par Stéphane Laroche. L'exposition En avant la musique est à découvrir actuellement jusqu'au 31 août au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Découvrez-y toute l'histoire de la musique à Waterloo des années 1800 à nos jours. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 59 50. Petit-déj nature ce dimanche 11 mai 7h sur le site de la Louvière à Don. Une rencontre organisée par les éco-gardes de l'espace naturel Lille Métropole. Au programme, petit-déjeuner champêtre, balade guidée et anecdotes. Durée approximative 2 heures. Renseignements et inscriptions 03 20 58 08 61. La 13e édition du festival Jeune Public L'Enfance de l'Art se déroulera du 12 mai au 13 juin sur Waterloo. Un mois de théâtre, concerts, expositions et spectacles tout public. Programmation complète disponible sur l'enfancedelart.fr.gd ou plaquette à retirer en mairie, office de tourisme ou bibliothèque municipale de Waterloo. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Exposition d'art virtuel. Stop. Music. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing, while you're cruising, music is the answer to your problems, keep on moving, then you can solve them, if you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising, music is the answer to your problems, keep on moving, then you can solve them, at 12 midnight I'll be waiting for you, so don't forget what you have to do. Keep on dancing and prancing. Galaxy, the French Touch. Yeah. We listen to our music at night. Music at night. Remains on top. excellent, Chris Source de la Platine de Galaxy. 10h51, on s'approche de la deuxième et dernière heure de cette émission Party After. On va se faire rapidement un petit tour du côté des soirées pour ce dimanche 11 mai. On commence tout de suite par le Bliss avec une spéciale guest pour, avec en invité Malcolm B et 6PO DJ Flamme comme résident à la Bûche. Spéciale partie avec pas mal de résidents au Sherry Moon pour la soirée Disco Bar, pour à l'Escape Concept pour l'anniversaire de Luc qui a invité Wesley, Gigi, Kiko, Steph Garnier, Miss Noah, Will, Guillaume, plus les résidents bien sûr, à l'âge de zoo pour la soirée délicieuse fooding avec Loulou Player, Chris, Simei et Johan, au Pulse Factory pour la soirée Belle Funk avec Frank Zolex, Joshen, Greg Spericy, plus les résidents, et au zoo avec la soirée El Divino officielle pour le World Tour 2008 avec Franco Del Numura qui vient d'Ibiza spécialement pour ce soir. Ça se passe au zoo avec Thomas et Ced et Serum comme résidents. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations en allant sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Vous cliquez sur le lien soirée. On va poursuivre bien sûr cette émission avec un autre souvenir. Rappelez-vous, c'était Chab à l'époque, il avait sorti un magnifique titre, c'était Closer to Me. Music remains on top. We'll be right back. galaxy. Don't stop. Music. We'll be right back. de votre fidélité. Vous écoutez Galaxy depuis 10h. C'est parti After, on est ensemble jusqu'à midi. Encore pas mal de souvenirs à venir dans les oreilles. À suivre Shaka Don avec At Night. Je vous ai aussi calé Size Night avec le titre I'm Ready. Mais voici tout de suite en souvenir, oui bien sûr, normal, émission spéciale. Voici tout de suite Smoke City avec Engorgeous sur Galaxy. We'll be right back.

Shakedon à l'instant avec le titre At Night. Il est 11h32. On retrouve tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Exposition d'art visuel à découvrir du 13 mai au 3 juin à la salle Jean Jaurès de Waterloo. Les quartiers sont mis à l'honneur cette année et toutes les techniques sont permises. Art plastique, photo, son, vidéo, peinture, etc. Entrée libre, plus d'infos sur ville-waterloo.fr. Rendez-vous Cricrac, voilà des histoires, chaque mercredi 10h30 à la bibliothèque centrale de Waterloo par Carole pour les moins de 5 ans. A noter que les mercredis 14 mais aussi 28 mai prochain à 10h30 à la bibliothèque du Sapin Vert de Waterloo toujours, Louisa raconte des histoires pour les 5 ans et plus. Entrée libre, renseignements 03 20 81 66 30. Les journées nationales de la Croix-Rouge française sont programmées les 16, 17 et 18 mai prochains. Des quêteurs bénévoles se présenteront à vous, à la sortie des magasins ou encore à votre domicile. Merci comme toujours de leur réserver bon accueil et merci d'être généreux. L'exposition L'Art et la Nature est à découvrir du 15 mai au 14 juin à la bibliothèque municipale waterloosienne. Vous pourrez y admirer les œuvres de Neil Sudeau et la nature par tous les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Deux rencontres programmées, les mercredis 21 mai 16h avec Thierry Tunnel pour les adultes ou encore le mercredi 11 juin 14h30 pour les 8-10 ans avec Nathalie Herbeau. Accès libre, mes réservations souhaitées, 03 20 81 66 38. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Only house. one and only for you. Take. On est pratiquement arrivé au bout de cette émission. Je vous remercie d'avance de votre grande fidélité. Dans un quart d'heure, c'est ADN que vous retrouverez aujourd'hui pour la session Electro House. Midi, 14h, 14h, 16h, c'est Michael H pour l'incontournable série Trans. Sly Arnaud, 16h, 18h, Byron et Wesley, 18h, 20h, Monray que vous découvrirez aux alentours de 20h jusqu'à 22h. Sans oublier, bien sûr, notre ami Guillaume de Baskerville pour son émission incontournable Prélude à partir de 22h jusqu'à 23h et juste après vous découvrez Sick pour la session hardcore de 23h à 1h. Mais voici tout de suite en souvenir Delirium.

C'est toujours du bonheur, un instant Twist Last Night avec le titre ouverture. L'émission s'approche à la fin. On vous remercie, je vous remercie de l'avoir suivi tout au long. C'était depuis 10h. Prochain rendez-vous, bien sûr, ça sera la semaine prochaine. Dans quelques instants, c'est ADN que vous découvrirez pour sa session Electrohouse. Il est accompagné de MD pour commencer ce midi 14h. Et si vous aviez envie de les voir, ils seront le 24 mai. Allez donc à l'Eclipse à Moucron face à la gare. Il y aura ADN en invité et aussi MD. Il sera avec lui juste après. Donc si vous aimez leur émission, allez à l'Eclipse le 24 mai. L'entrée est gratuite. On va terminer bien sûr cette émission avec un titre de 1998. C'est Pulvertum. Bon après-midi à l'écoute de Galaxy et à la semaine prochaine. Mais ils sont déjà dans les studios en pleine forme. Les voici, les voilà, voici tout de suite ADN et MD sur les ondes de Galaxy. L'exposition En avant la musique est à découvrir actuellement jusqu'au 31 août au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Découvrez-y toute l'histoire de la musique à Waterloo des années 1800 à nos jours. Entrée libre, horaire d'ouverture 0320 81 59 50.